Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 43e émission, nous allons parler de l'écrivain Maurice Dantec, mort le 25 juin 2016, et connu pour ses romans d'anticipation, notamment La Sirène Rouge, Les Racines du Mal et Babylon Babies, mais également pour ses positions politiques radicalement réactionnaires, pro-américaines et anti-arabes. À sa mort, Valeurs Actuelles, par exemple, a titré « Mort d'un prêcheur d'apocalypse », Le Figaro a titré « Adieu à l'écrivain qui croyait aux machines et aux archanges ». Qui était réellement Dantec ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre en compagnie de quelqu'un qu'il a très bien connu, un camarade dénommé Riton. Riton, bonjour à toi. Salut. Chers auditeurs, sachez que comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Riton, la première question qui me vient. Comment as-tu connu Dantec ? Alors, j'ai rencontré Dantec en seconde, c'est-à-dire quand je débarquais au lycée Romain Rolland en 1975. Il portait un t-shirt du Blue Oyster Cult qui disait « Tyranny and Mutation ». Il avait les cheveux longs et des boutons sur la gueule. Donc lui, il était en littéraire et moi, j'étais en maths. Mais on s'est très vite retrouvés pour partager donc le même amour à la fois du rock'n'roll et à la fois de la littérature de science-fiction, puisque à l'époque j'avais déjà lu quasiment tout ce qui était paru en français, des livres de Philip K. Dick, de Jim Ballard, de Norman Spinrad, donc ce qui est connu maintenant sous le nom de cyberpunk, de la littérature cyberpunk. Donc vous avez grandi tous les deux à Ivry-sur-Seine. Dans quel milieu socio-culturel ? Alors donc en fait ce qui est assez drôle c'est qu'on était opposés et puis en fin de compte on va voir par la suite, on s'est souvent opposés. Lui donc venait d'un milieu, son père était journaliste pense à Jeune Afrique, donc ancien résistant communiste. Donc la vieille garde, et sa mère était donc féministe, engagée politiquement aussi, mais elle était, je pense, couturière. Donc un milieu assez, populaire. Populaire. Ce qu'on appelle la banlieue rouge. Banlieue rouge, voilà, pure banlieue rouge. Moi, je venais de Villejuif, d'une mère ouvrière et d'un père immigré italien. Pour la petite histoire, de la même origine que d'autres amis du lycée, c'est-à-dire Tonino Benacquista et Sylvie Verrecchia, qui sera plus tard Madame Dantec. Est-ce que vous diriez que déjà à l'époque, Dantec était d'extrême gauche ? Car on dit que c'est de ce milieu-là qu'il vient. Alors oui. De toute façon, nous, on s'est retrouvés aussi sur des pratiques quotidiennes qui étaient celles de foutre le bordel dans les assemblées générales. Il faut se rappeler qu'en 1975, on était encore dans les conséquences, l'ambiance de mai 68, d'autant plus que notre animateur socioculturel s'appelait Jean-Bernard Puy, et que c'était un des acteurs de mai 68, et qui nous a tous initiés à diverses pensées et littératures, donc entre autres pour moi les situationnistes, donc Guy Debord, Raoul Van Egeim, etc. Les livres de cyberpunk, ou certains cinémas, La jetée de Chris Marker, donc tout ce qui était underground. Donc on s'est lancé là-dedans. Et évidemment, il faut savoir que le lycée Romain Rolland, qui était un très gros lycée, était la base arrière de ce qu'on appelait affectueusement les Stals. C'est-à-dire toute la nomenclatura communiste était là, les présidents, le président du syndicat étudiant qui s'appelait l'UNCAL et qu'on appelait affectueusement l'Encul. Et donc, tous ces gens qu'on a bien connus et que d'ailleurs Alain aussi a connus. Alain Soral. Voilà, Alain Soral. Donc c'était du sport, notre sport préféré à Maurice et moi-même, c'était de provoquer, donc d'hurler dans les assemblées générales pour comment dire, on était à la fois les ennemis de ce qu'on appelait les staliniens et les ennemis évidemment du reste, c'est-à-dire à l'époque l'UJP, je pense, ou les Giscardiens, enfin bon, bref, des gens absolument sans intérêt. Donc, cette première année au lycée était essentiellement, remplie de réunions des cours qu'on séchait, donc au café d'en face, et de batailles de farine et de joints fumés dans les chiottes, donc parfaitement conforme à ce qu'a pu dépeindre Cédric Clapiche dans le Péril jeune. Et c'est aussi la musique qui va vous réunir ? Oui, donc on était de tous les concerts qui nous intéressaient. Donc à l'époque, c'était Kraftwerk, par exemple. Donc c'était la musique électronique. Les influences étaient diverses. Bon, lui était plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, intéressé par le heavy metal ou le hard rock. Mais il était aussi intéressé à tout ce qui était musique électronique. Moi, par exemple, on était au concert d'un groupe qui s'appelle Hawkwind, qui était le premier groupe du fondateur de Motorhead. Et à ce moment-là, j'ai rencontré par exemple la fille d'un compositeur de musique concrète. On a écumé les concerts de Xenakis, de Philip Glass, de Stockhausen ou de choses comme ça. Donc c'était, comment je pourrais dire, le parisianisme, cet intellectualisme ne peut pas imaginer que des banlieusards puissent avoir autre chose qu'un quotient intellectuel de rappeur ou des choses comme ça. Mais on était effectivement des intellectuels, donc, puisqu'on s'intéressait aussi bien à la littérature qu'à la musique. Et vous lancez ce groupe, donc Artefact, qui sera plus tard le titre d'un ouvrage de Maurice Gédantec. Oui, alors donc, comment ça s'est passé ? C'est que il y a eu une radicalisation. Les choses ont évolué d'une telle manière que, en fait, quand on sentait qu'il y avait un mouvement qui tendait à liquider mai 68, et la réaction, ça a été le punk. Donc, on s'est engouffré dans le punk. C'est-à-dire là, on parle de 1976. Et en 76, donc, on devait faire partie donc de la douzaine de punks qu'il y avait en France à cette époque-là, c'est-à-dire les gens de Metal Urbain, les gens des Stinky Toys, donc les gens d'Asphalt Jungle, donc avec le chanteur journaliste à Best, etc. Donc on a embarqué vraiment à fond sur le punk, et d'un autre côté c'était aussi un engagement politique, et cet engagement politique c'était la fraction Armée Rouge, c'était les autonomes, donc des groupuscules qui étaient proches donc d'Action Directe. Donc cette radicalisation s'est faite donc de 1975 à 1977, et on a fondé le groupe au départ État d'urgence, qui était un groupe donc tout à fait dans la lignée d'un cyberpunk orienté politiquement, donc vers le soutien à Andreas Bader et des choses comme ça. Donc ça, c'est un des premiers morceaux que vous pouvez écouter. Eh bien, écoutez, on va le faire tout de suite. Chers auditeurs, nous allons écouter RAF Propaganda en exclusivité sur ERFM. RAF Propaganda, chers auditeurs, en exclusivité sur ERFM. Xavier ? C'est un titre en hommage à la bande Abader, donc la RAF. C'est toute une époque, non ? Bah oui, c'est nos 20 ans. Donc RAF Propaganda, c'est le premier morceau qu'on a composé. Et que donc Maurice a écrit et chanté. Alors donc je précise parce que dans la presse tout le monde parle d'Artefact. Artefact, c'est la deuxième période du groupe, la période commerciale. dans laquelle, en fait, Maurice ne chantait pas. Il se contentait d'écrire les paroles et de jouer du synthétiseur. Mais pour replacer en contexte, le groupe a été fondé en décembre 77 et en janvier ou février 78, c'est-à-dire après 3 mois de répétition, donc on avait eu le temps de composer 4 ou 5 morceaux seulement, on a fait notre premier concert. Ce premier concert, c'était folklorique parce qu'il a été organisé par les autonomes pendant les grèves qu'il y avait à la fac de Tolbiac. Le concert a consisté à débarquer avec les amplis, à virer le prof dans l'amphienne, à jouer devant une bande d'autonomes et de punk et de quelques étudiants qui traînaient là, qui ne savaient pas trop ce qui se passait. Et le concert a fini par une charge de CRS, donc on est parti en courant. Moi, j'avais un synthétiseur de percussion que j'avais mis dans un fût d'acide, donc avec une tête de mort, etc. Donc je suis parti en courant avec mon fût d'acide sous le bras, parce que donc les CRS chargeaient. J'avais oublié, mais Éric Desbris, qui est le fondateur donc de Métal Urbain, donc c'est en fait effectivement le groupe fondateur du cyberpunk en France. C'était les premiers à faire la jonction entre la musique punk, le rock punk et le synthétiseur. Donc devait jouer avec nous cette fois-là. Mais ils avaient leur matériel était coincé en douane. Le lendemain, on a fait un second concert dans un squat qui jouxtait donc Tolbiac. Il y avait un autre groupe de heavy metal qui jouait là et qui n'appréciait pas du tout les punks. Donc, comme la sono leur appartenait, ils nous ont complètement bousillé la balance. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas pu jouer dans de bonnes conditions. Donc, quand le groupe a commencé à jouer, ce groupe de heavy metal a commencé à jouer, je suis assez taquin, j'ai commencé à pisser sur le pied de micro du chanteur. Et donc ça s'est terminé en baston avec les autonomes qui sont venus en renfort. Et donc tout ça a explosé. Tu parles de baston, mais justement Dantec dans ses bastons. Oui. Quel rôle jouait-il ? Puisqu'on sait qu'il était plutôt chétif. Voilà. Donc en tant que connaisseur, donc j'ai fréquenté pratiquement quotidiennement pendant 15 ans Dantec. À deux périodes bien différentes, j'y reviendrai là-dessus. Mais donc, effectivement, Dantec était un avorton. Hein, donc, il a toujours été faible psychologiquement et physiquement. C'était le premier à tomber malade. Quand on a enregistré le disque, il buvait trop de café, il avait des palpitations, il n'arrivait pas à dormir, ça lui filait des cauchemars. Je suis parti en vacances. Bon, ça pourrait être. À l'époque, Jodorowsky devait tourner le film Dune. Et donc, nous, on tripait complètement là-dessus. Donc, on s'est dit, on va partir jusque dans le désert. Donc, on est parti en vacances au Maroc. Et donc, quand on a débarqué au Maroc, la première semaine, il est tombé malade et il est resté à se faire chouchouter par les filles. C'était une colonie de vacances plus ou moins hippie. Et à l'arrière des estafettes, parce qu'il était tombé malade. C'est ce genre de choses. Donc, il s'est toujours donné une image de baroudeur. Mais ça a toujours été faux. Quand on était punk, le premier à se prendre des claques dans la gueule, c'était Maurice. Et à chaque fois, donc, il se faisait éclater. Et puis voilà, donc c'était ce qu'on appelle en banlieusard une bite au cirage. C'est-à-dire vraiment celui ou un geek, c'est-à-dire celui qui à chaque fois se prend les claques. Et donc, par la suite, sa réussite dans les médias et dans la littérature, c'était pour lui surtout une vengeance. Et alors, à ce propos, donc ça, c'est un premier paradoxe bagarreur méchétif. Et un deuxième paradoxe, c'est vous avez dit qu'il écrivait les chansons de votre groupe. On a du mal à imaginer Maurice Dantec écrire un texte court quand on voit par la suite les véritables pavés qu'il a pu écrire. Bah, c'est parce que j'étais derrière son cul et à chaque fois qu'il m'en pondait 15 pages, je lui disais « Non, Momo, tu dégages ça ». Donc c'était vraiment véritablement un travail collectif qu'on faisait. Et donc ensuite, État d'urgence devient Artefact. Alors avant de devenir Artefact, on a fait une maquette. Donc c'est le morceau qu'on vient d'entendre, là, RF Propaganda, a été enregistré dans les studios d'enregistrement de M. Richard Pinas. Alors Richard Pinas, c'était une des références de Maurice et moi-même au niveau musical en France, puisque c'était une des icônes de la musique underground des années 70, puisqu'il avait fait une espèce de musique électronique avec des textes de Nietzsche dits par Deleuze. Donc on a, de manière fortuite, pu enregistrer nos premiers titres, notre première maquette, dans ce studio. Par la suite, il y a eu un conseil des ministres, un conseil d'administration plutôt du groupe pour changer notre style. En fait, avant de parler de ça, on a eu quand même plusieurs actions qui ont suivi dans la période autonome. Le premier texte qui est paru donc de Maurice Dantec est une provocation à l'émeute qui s'appelait « Comment garantir le caractère violent de la manifestation de Chris Malville ». Ça a été paru dans le courrier des lecteurs de Libération. Libé avait sorti un article très babacool qui disait, je ne sais pas si vous vous souvenez de Chris Malville, non, certainement pas, non, si vous n'étiez pas né. Donc Chris Malville, c'était le projet Super Phoenix. Toute l'extrême gauche s'était mobilisée dans une manifestation monstre pour arrêter le programme. Et donc on avait suivi les autonomes dans cette manifestation qui était donc en pleine cambrousse et qui avait été un souvenir absolument surréaliste parce que on était donc une bande de cyberpunk en pleine campagne avec des hélicoptères de la police et puis les gaz lacrymogènes etc donc c'était vraiment et nous on était partis là-bas dans une bagnole pourrie en train d'écouter du Sex Pistols avec des barres de fer pour aller en découdre. C'était épique. Oui, c'était épique, mais ce qui est assez intéressant, c'est que, et là aussi c'est une exclusivité dont Maurice ne s'est jamais vanté, je vais vous livrer une information, c'est-à-dire qu'on a fait des actions commando avec les autonomes, une action qui a consisté à détruire une petite rue parisienne masqué, donc cagoulé. Et en fait, cette manifestation, comme on était proche des autonomes, qui était une manifestation, on ne savait pas où on allait, on ne savait pas. Donc, c'était au dernier moment, on nous avait dit vous allez aller là, vous allez mettre des cagoules, et puis vous allez tout casser. Ce qu'on a fait. Cette manifestation, en fait, a été organisée, je m'en suis aperçu plus tard, par un agent provocateur sioniste. Comme action anticapitaliste, ça a consisté à attaquer les locaux de l'Aurore. Est-ce que vous vous sentiez animé par un idéal ou est-ce que vous suiviez le mouvement ? On était dans l'urgence punk et l'idée qui a été qui est resté dans la tête de Maurice toute sa vie, c'était de pousser le système dans ses retranchements pour en faire sortir l'essence, on va dire, dictatoriale. Donc, si vous vous rappelez le morceau que je viens de passer, c'est un film de catastrophe de science-fiction, et c'est exactement ça, donc, en fait, qu'on avait dans la tête. On se disait que le futur allait être celui-là, c'est-à-dire un espèce de film catastrophe, une anti-utopie dans lequel la police allait nous contrôler cybernétiquement parlant. Et donc l'apocalypse faisait partie intégrante de votre imaginaire. Exactement, puisque c'était nourri de la science-fiction. Donc pour en toucher deux mots, donc Philip Kennedy, qui est le roi de l'anti-utopie, des mondes lysergiques, complètement paranoïaques, ainsi que donc Jim Ballard avec Crash, donc Crash que le réalisateur canadien bien connu, dont j'ai oublié le nom, a fait l'adaptation, et dont j'ai fait l'adaptation en fait en 76. C'était notre première production, c'est-à-dire un court-métrage expérimental sur la pornographie et les accidents d'automobile. Donc si tu veux mettre un petit bout du morceau. Bien sûr. Voilà. Chers auditeurs, nous allons donc écouter Crash. C'est parti. Thank you. Chers auditeurs, on vient d'entendre Crash du groupe État d'urgence, groupe qui a précédé à Artefact, donc, qui répondait malgré tout à une volonté de commercialisation de vos disques. Alors donc, Artefact, c'était déjà c'était la deuxième période. Et Maurice a été, je pense, celui qui a pesé le plus dans la balance pour faire un virage à 180 degrés. C'est-à-dire qu'après les échecs donc, des manifestations de Cresmaville, de notre carrière de terroriste pseudo-action directe, il fallait faire un choix. Soit on continuait et on serait retrouvé dans l'état de M. Rouillant, on sortirait maintenant de prison. soit de retourner sa veste. Donc Maurice a pesé dans la balance pour qu'on retourne notre veste. Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le contexte était aussi celui-ci. Élection de Mitterrand, la totalité des punks donc français, anglais, américains ont décidé d'auto-détruire le mouvement punk. Il a officiellement disparu au début de 1979, la première vraiment des punks d'origine, on va dire. C'est-à-dire que ceux qui sont arrivés plus tard avec les grandes crêtes vertes, etc., et cette démesure sont des gens de la deuxième période qui n'avaient rien à voir avec la première période. La première période, les références étaient toutes des références intellectuelles, étaient toutes des références, par exemple, au dadaïsme, au situationnisme. Donc moi, j'étais à fond situationniste. J'ai toujours été donc proche de Debord et de Van Engheim, alors que Maurice était plus, donc on va dire, nietzschéen et deleuzien ou dickien. Et cette période punk, donc la fin de cette période punk, débouche sur le New Wave. Exactement. Donc on a accompagné cette transformation en changeant le nom. Donc j'ai trouvé le nom justement dans des livres de Philip K. Dick qui s'appelait Glissement de temps sur Mars. Donc Artefact qui a une double signification, la signification donc de l'artificialité. Et on n'a jamais eu l'occasion d'expliquer c'était quoi le concept, mais on était un groupe conceptuel avec effectivement une vision, un dessin artistique derrière ce concept. La deuxième signification de l'artefact, c'est par exemple, c'est l'erreur. C'est-à-dire que quand on croit découvrir une nouvelle bactérie, en fin de compte, c'est une poussière sur le microscope. Et donc là, on peut dire aussi que Dantec a été un créateur d'artefacts, c'est-à-dire d'illusions. Et lui, donc, en fait, il a toute sa vie, il a continué dans cette voie-là, c'est-à-dire la création de simulacres de manière consciente, ce qui maintenant s'appelle donc le storytelling. Voilà, storytelling, c'est ça. Donc, on retrouve déjà à l'époque cette idée très forte chez Maurice, beaucoup moins chez moi, parce que Maurice est avant tout un cérébral. À la différence d'Alain Soral, par exemple, ou de moi-même, qui sommes des intuitifs. Lui, pour Maurice, la réalité se construit, donc c'est aussi un post-structuraliste, c'est quelqu'un qui est dans la lignée justement des Deleuze et consorts. Et il a toujours été persuadé qu'on pouvait donc écrire la réalité, que la mission de l'écrivain était d'écrire la réalité, ce que j'appelle prendre sa vessie pour une lanterne. On voit que vos références conceptuelles étaient différentes. Est-ce que vous avez, quel était votre code esthétique ? En fait, la deuxième période, la première période, c'était vraiment métal, noir et blanc, bruit blanc aussi. En termes musical de synthétiseur, c'était vraiment le style. Et le style d'artefact, c'était, et en fait le concept, c'était ce qu'on appelle maintenant la samplification. C'est-à-dire que l'idée, c'était pour nous de recréer de manière synthétique des musiques ou de les processer. C'est-à-dire, on a un morceau qui s'appelait Bebopologic. Les références, là, c'est Bebopalula, c'est-à-dire la référence du rock rockabilly des années 50, voilà. Et Logic, donc, qui était l'intégration de quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui est la technologie. Donc, on revisitait par la technologie les concepts musicaux. Alors, on a passé comme ça le heavy metal avec Massacre à l'électrode. Donc, Massacre à l'électrode, c'était à la fois une référence sur le cinéma d'horreur, donc le cinéma de série B, Massacre à la tronçonneuse, Et aussi tout le cinéma expressionniste des années 30 avec les savants fous, etc. Donc c'était mettre du synthétiseur dans du heavy metal. Chers auditeurs, nous allons écouter Massacre à l'électrode, l'un des premiers morceaux du groupe Artefact. Massacre à l'électrode. Chers auditeurs, nous venons d'écouter Massacre à l'électrode, l'un des premiers titres du groupe Artefact. Xavier, quel est votre look à l'époque? Donc là, changement drastique, c'est plus le noir et le métal, c'est plutôt le plastique et les références. Oui, effectivement, ça va être les années 30. On est extrêmement influencé par des groupes comme Kraftwerk. Donc je pense que c'est la référence principale. Donc cette musique électronique allemande, ce mix entre ce qui était avant du pur conceptuel popifié, donc avec des vraies harmonies, des paroles très humoristiques aussi. En tout cas, bref, Kraftwerk, influence majeure. Aussi des groupes comme Divo, je pense qu'on avait aussi des aspects assez bizarres, donc Suicide, des groupes underground comme ça. Et donc le premier concert d'Artefact a été fait à La Main Bleue. La Main Bleue qui était donc à l'époque la plus grande discothèque, je pense, d'Europe. Et dont le disc jockey était Monsieur Krüger. Krüger, donc, qui a été par la suite un DJ et le créateur de plusieurs lieux de la brancherie parisienne. Entre autres, bon, les gens de Façade, si vous connaissez un petit peu Façade, donc c'est ce trip warholien. Donc tout le monde était là, revenu dans le giron atlantiste. L'idée étant d'être, en fait, c'était les yuppies, donc on s'est complètement yuppifié. Et vous sortez complètement du référentiel gauchiste de vos premières années. Exactement. Au niveau du look comme au niveau du fond. Exactement. Enfin, au niveau du look, le premier concert, en fait, était un mix, puisqu'on avait des cagoules de terroristes et puis des chaussures de sécurité industrielle, donc en fait, et des tenues donc de travailleurs industriels. Donc là, c'était aussi parce qu'on naviguait entre plusieurs influences. Donc on a dit de nous qu'on était de la Cold Wave, on appelait ça aussi New Wave ou Indus, c'est-à-dire musique industrielle. Donc il y avait toutes ces influences là. Et par la suite, Dantec cultivera encore cette référence aux années 30 en s'habillant constamment en noir. Lunettes de soleil. Oui, tout à fait. Le dress code, il le conservera jusqu'au bout. Oui, bah, je reviendrai sur l'aspect marketing opportuniste du Dantec, puisque je l'ai aidé en fin de compte, mais dans la deuxième période. Alors, on en parlera un petit peu plus tard. Mais pour nous, là, Artefact, c'est l'explosion, c'est-à-dire nous, petits branleurs de banlieue, on rentre donc dans le milieu branché. Et qui est le leader de ce groupe? Est-ce que Dantec est à la manœuvre? Non. C'est Artefact et État d'urgence, c'était la bande à Riton. C'est moi qui ai toujours... en fait, pas toujours, mais je vais raconter ce qui s'est passé par la suite. Mais pour l'instant, c'est la bande à Riton. C'est moi qui drive le groupe. C'est moi qui donne la direction. C'est moi qui donne les concepts. Généralement. Et Dantec, en fait, les développe du point de vue des paroles, et on les développe en commun au niveau musical. Vous êtes monté sur Paris, vous allez fréquenter toute la branchitude. Est-ce que vous êtes une bande de Rastignac, en quelque sorte? Bon, oui, on peut dire ça, oui, parce qu'effectivement, là, comme je disais, c'est un virage à 180 degrés, on se yuppifie, on a envie de réussir, on a envie d'enregistrer, on a envie donc de faire des concerts, etc. Et on se trouve un manager qui s'appelait Jürgen, un ancien, en fait, un top modèle, ancien amant de Brigitte Bardot, qui nous commence à s'occuper de nous, à nous faire passer donc dans des boîtes branchées, à chercher des concerts et à chercher une maison de disques pour nous faire enregistrer. Et entre autres, on se retrouve dans la soirée de lancement du disque The Man Machine de Kraftwerk, donc qui s'est passé au dernier étage de la tour Montparnasse, donc en 1978. Donc c'est juste après ces premiers concerts, on s'ouvre le Rose Bonbon. Le Rose Bonbon qui, en fin de compte, a été le lieu, la pépinière de toute la scène française, pas seulement parisienne, New Wave. Donc c'est au Rose Bonbon qu'ont fait leurs premières armes, à la fois Marquis de Sade, Tien Dao, Rita Mitsouko, Taxi Girl, j'en passe, et des meilleurs. Donc on s'est retrouvés dans une ambiance à la fois de camaraderie, mais aussi de concurrence. Donc, c'est-à-dire que là, on a appris ce que c'était que le capitalisme sauvage. Et donc vraiment, ce yuppisme a commencé à imprégner très très fortement nos jeunes cerveaux. Et bon, bah, tout ça a débouché vers des choses assez déplorables qui se sont en fait par la suite, qui ont continué. Donc par exemple, c'était une fois de plus... le pauvre Maurice se prenait une claque par Daniel Darc sur les marches du bain-douche. C'était des choses comme ça. Donc, en fin de compte, les groupes savaient très bien qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Donc, que seul le meilleur, entre guillemets, résisterait. Et donc, ça a commencé un phénomène comme ça de concurrence entre les groupes et intergroupes, intragroupes, on va dire. C'est-à-dire, à l'intérieur du groupe, les tensions ont commencé à se faire, notamment entre Maurice et moi, et aussi avec le guitariste. Donc, petit à petit, les choses se sont délitées. On a quand même réussi donc à signer avec une maison de disques. Donc, les grandes maisons de disques ont refusé, ont signé d'autres groupes. Mais donc, nous, on a signé avec la maison de disques Celluloid, le label d'Orient, qui était le label plus ou moins managé par Jacques Nau des Stinky Toys. Donc Jacques Nau, Stinky Toys, c'était là une des grosses références au niveau du punk au début et aussi au niveau de la New Wave. Donc Jacques Nau, créateur de Rectangle, et avec Eli Medeiros et Lio, donc de tube pop du début des années 80. Alors dans toute cette génération, vous avez cité Daniel Darc, vous avez cité Lerita Mitsouko, Fred Chichin. Et aujourd'hui, on consacre cette émission au décès donc de Dantec. Comment vous expliquez cette surmortalité dans votre génération ? Ah bah c'est pas dire que en fin de compte, on ne buvait pas que des jus de fruits vitaminés. Donc effectivement, les substances hallucinogènes diverses et variées, on les a testées. Dès le départ, d'ailleurs, Maurice et moi-même étions adeptes de l'acide. Donc, j'ai le souvenir d'une fête que j'ai organisée chez moi qui s'est terminée en trip d'acide. Et Maurice a bad-trippé, il a mis un coup de pied dans le lampadaire de mon salon, il l'a cassé en deux en hurlant « le feu, l'acier » pendant 2 heures. Donc voilà, c'est une image, une des images que je vais garder de Maurice, c'est-à-dire que effectivement, il prenait pas mal de substances, je parlerai plus tard de sa manière de travailler en tant qu'écrivain, et donc c'était pas bon pour lui. Donc quand je dis qu'il est effectivement assez faible psychologiquement, il avait des problèmes, donc il a été diagnostiqué bipolaire, donc je pense qu'il était déjà certainement bipolaire ou avec des tendances schizoïdes à l'époque, quoi. Et donc par exemple au Québec, puisqu'il a passé presque 20 ans au Québec, le taux de THC de l'herbe québécoise est connu pour atteindre des sommets stratosphériques. Et donc ça, c'est parfait pour devenir paranoïaque. Donc sur l'époque, vous parliez du Rose Bonbon, c'est aussi l'époque des bains-douches, du Palace. Est-ce que vous pouvez raconter pour les auditeurs les plus jeunes, bon, vous l'avez déjà fait en partie, mais quelle est la substance de cette époque ? Ouais, c'était vraiment la substance du capitalisme libéral le plus pur. Hein. C'était bon, le quart d'heure warholien, c'était les mannequins, voilà, les top models qui venaient. C'était rigolo parce qu'il y avait tout un mélange. En fait, au bain-douche, il y avait Coluche aussi qui venait là. Il y avait tout un tas de monde, mais bon, avec les formules classiques, c'est-à-dire des petits voyous de banlieue, mais avec des belles gueules qui viennent, et puis des grands bourgeois qui viennent s'encanailler. Donc c'est le classique. Donc on retrouvait cette ambiance-là dans les bains-douches, mais c'était vraiment avant tout la réussite matérielle, donc en fin de compte le libéralisme le plus accentué. Alors revenons sur ce groupe Artefact. Vous parliez tout à l'heure de tensions qui ont amené ensuite à l'éclatement du groupe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Artefact a été assez vite soutenu, et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fin de compte, ses soutiens vont se retrouver dans la seconde partie de la carrière de Maurice. Il faut parler effectivement du journal actuel avec Jean-François Bizeau. Donc notre guitariste était en fait le plus assidu au bain-douche, et à cette époque-là, donc il avait rencontré Zerbib. Et donc il y a un article qui est paru dans Actuel qui s'appelait « Les jeunes gens modernes aiment leur maman ». Alors bon, je ne peux pas expliquer la déception que j'ai pu avoir à la suite de cet article, qui était d'une malheureuse stupidité, parce que effectivement les deux groupes qui étaient mis en avant, c'était Marquitzade et nous-mêmes, et on était deux groupes effectivement extrêmement à l'opposé de cette image de marque des jeunes gens modernes donc que Actuel avait voulu créer en fin de compte, hein, c'est une création. Donc une contradiction complète avec le travail qu'on essayait de faire. Et avec le recul, je pense que c'était quelque chose en fait déjà de voulu dans le sens où maintenant je crois que l'underground est actuel en France, c'était une des choses principales. Était le cheval de Troie de la culture nord-américaine. Donc le but, c'était de faire rentrer et de détruire la culture française de l'intérieur. Donc généralement, le soutien, disons, qu'on aurait pu attendre des journalistes se transformait en espèce de destruction, se retrouvait avec des images de marque qui n'étaient absolument pas qui n'avaient rien à voir avec le travail qu'on faisait. Donc je ne sais pas si vous imaginez, par rapport à Maurice, les jeunes gens modernes, c'était ridicule, quoi. Voilà. Et donc c'était ça le cœur des tensions entre vous et entre toi et Dantec. Non, donc on avait déjà une vue différente. Par exemple, pour Maurice, le plus important, c'était de sortir un disque et de faire un tube. Pour moi, le plus important, c'était de faire une tournée et de développer un public et surtout un savoir-faire réel, c'est-à-dire une maîtrise musical qu'on n'avait pas encore vraiment, parce que le groupe en fin de compte avait à peu près 2 ans d'existence, et on avait appris à jouer de nos instruments je dirais sur le terrain, quoi. Donc on avait certaines faiblesses, et ces faiblesses, pour moi, le mieux c'était de se colter face au public pour arriver à développer à la fois une force intérieure et à garder une direction. Donc Maurice, pour lui, c'était pas ça du tout. Et on voit une approche, deux approches complètement différentes, comme je parlais tout à l'heure, d'une approche intuitive la praxis, avec une orientation sur la pratique, et de l'autre côté, une orientation qui est plus idéologue, d'idéologie. Et donc, la position de Maurice, c'était toujours une position d'idéologue, c'est-à-dire de quelqu'un qui de manière superficielle, fait des choix et des constructions artificielles. Ce qu'il a appelé, par exemple, des attitudes. Et effectivement, je pense que le mot pour lui, c'était ça, des attitudes. C'est pour ça que je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il s'est autodétruit, parce qu'il n'a jamais réussi à développer une colonne vertébrale qui, effectivement, les gens n'ont jamais compris quel était le sens de son travail, parce qu'il n'en avait pas. Il n'y avait pas de sens dans son travail, c'est vraiment ça, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de logique. La seule logique, c'est pour lui, c'est celle du darwinisme social, on en parlera plus tard, mais c'était déjà ça qui se pointait. Donc, résultat des courses, des tensions internes, des directions différentes. Et on a fait des expériences malheureuses, et à 20 ans, on ne sait pas trop comment réagir par rapport à ces expériences. On prend tout de manière très, très émotive, et on le prend directement en pleine figure ou dans le ventre, et on n'a pas su vraiment gérer tout ça. Mais ce qu'il y avait derrière, dans l'esprit de Maurice dès le départ, et c'est toujours été son caractère, c'était celle du coup d'État, en fin de compte, c'était celle d'essayer de contrôler les choses par derrière, et puis au moment stratégique, hein, c'est pas pour rien qu'il parle de Sun Tzu, etc., donc de stratégie guerrière, pour lui c'était, à un moment donné, il allait utiliser la situation pour prendre le pouvoir dans le groupe. Effectivement, il l'a fait au moment où on a signé avec une maison de disques. Donc, on a enregistré un 33 tours. Il y a un maxi-single qui en est sorti, qui a été salué de manière très, très correcte par la critique. Donc, Massacre à l'électrode faisait partie de ce maxi-single. Pour la petite histoire, on a enregistré ça avec vraiment des bouts de ficelle. On a loué un magnétophone multipiste qu'on a installé dans la maison de campagne de mes parents. Et on a passé 2 mois, en fin de compte, avec des potes, les gens du groupe et certaines personnes du milieu musical. Par exemple, Claude Artaud, qui était le gars qui jouait du synthétiseur avec Mathématiques Modernes. Donc là aussi, c'est la brancherie, c'est Mathématiques Modernes, c'était Edwige Grus, donc une des références de la reine des punks qu'on appelait à l'époque. Donc c'était ou alors Marc Caro, donc le directeur artistique de Delicatessen et des enfants perdus, donc avec Genet. À l'époque, il était actif dans la bande dessinée et aussi dans le rock alternatif avec son groupe Parasite. Donc tout un tas de choses comme ça. Et au final, une explosion, dans le sens où on s'est retrouvé en studio sans avoir les reins assez solides, sans avoir d'expérience comment utiliser cet outil extrêmement complexe quand même, qui est un studio d'enregistrement, des tables de mixage, des effets, etc. Donc ça a été des bastons dans le studio, parce que les choses parce qu'effectivement il y avait un problème de direction dans le groupe. Alors Riton, ensuite le groupe éclate, donc c'est la fin de cette première période où tu as connu Dantec. Je propose à chers auditeurs que nous écoutions une musique qui s'appelle International Disco du groupe Artefact, en exclusivité sur RFM. Tout à fait. Yeah. International Disco, qui était, on l'avait compris, une reprise de l'International en version disco. Alors Riton, là, le groupe a éclaté, mais vous avez le temps quand même de faire un dernier concert à l'Olympia. Racontez-nous. Oui, en fait, on a eu l'occasion de jouer, entre autres, avec Lio, avec Étienne Dao, avec Elie Medeiros, Jacques Noé, Elie Medeiros. Mais l'ultime concert, la catastrophe finale, c'était la première partie de Simple Minds, donc au Hall Baltar en 81, donc devant 10 000 personnes. Mon synthétiseur de batterie est tombé en panne, ça a été absolument catastrophique. Et le groupe, donc c'est... en fait, non, j'ai été viré du groupe par Maurice, qui incidemment a déposé tous les morceaux à son nom. Et donc ça a quand même créé un petit froid entre nous, et on ne s'est pas vu pendant 10 ans. Donc vous ne touchez pas de royalties sur Artefact ? Non, bah, de toute façon les royalties ont jamais été énormes. Elles sont parties en fumée. Oui, de toute façon on devait enregistrer plusieurs disques. Bon, incidemment notre maison de disques, c'était la maison de disques de Jean Caracos, qui s'est fait connaître avec l'escroquerie de la Lambada, qui est parti avec la caisse à New York, donc... bon, ça a été, c'était pas disons notre éditeur était pas le plus fiable, donc de toute façon on a renoncé à nos droits, en tout cas les droits de reproduction, les droits d'auteur, donc étant c'est Maurice qui les a déposés à son nom. Et quand Maurice Dantec va connaître une seconde carrière en tant qu'écrivain, renouveler le genre de la science-fiction, vous allez le retrouver au début des années 90, c'est-à-dire environ 10 ans après. Voilà, donc ces horribles années 80, effectivement, ont vu une déchéance assez... une déchéance... En fait, une déchéance surtout pour Maurice, qui s'est retrouvé en fin de compte après avoir essayé de diriger le groupe, s'est retrouvé dans les mains de quelques aigrefins et de quelques escrocs qui l'ont embarqué dans des histoires absolument ahurissantes où il s'est ruiné. Et donc il s'est retrouvé pion. Je pense d'ailleurs c'était au lycée Romain Rolland où on s'était rencontrés. Moi, de mon côté, donc, j'ai plus rien voulu savoir du show business. J'ai repris mes études, je suis devenu informaticien puis roboticien. Et au milieu des années 80, j'ai fondé une des premières sociétés de production d'animation 3D, dans lequel, en fin de compte, je me suis retrouvé à un moment donné à produire ou coproduire une vidéo où une grosse partie aussi des gens de la New Wave s'est retrouvée. Là, c'était plus la diaspora lyonnaise, c'est-à-dire Marie et les garçons, les gens de Star Shooter, Eric Weber de Casino Music et de Tabou, et puis Lizzie Mercier des Clous, enfin toute une autre partie de la New Wave. Donc, cette traversée du désert a duré à peu près une dizaine d'années. Et au moment où j'ai fait faillite avec ma société de production 3D, j'ai revu Maurice dans un salon de nouvelles technologies. Donc lui, à l'époque, il avait essayé de monter aussi une société de production de vidéos. Donc je l'ai revu et puis on a repris contact, on s'est retrouvé au bout de 10 ans sans aucun, comment je pourrais dire, Maurice était mon sparring partner, hein. Donc on avait développé nos capacités rhétoriques et nos capacités de provocation dans les assemblées générales du lycée, puis par la suite aussi des capacités théoriques et artistiques avec le groupe. Et ces 10 ans de traversée du désert nous ont fait regretter un certain nombre de choses qu'on s'apportait mutuellement. Ce qui fait que bon, je lui ai pardonné ce léger écart de la fin de l'époque de l'éclatement du groupe. Et puis bon, on s'est retrouvés. Votre complicité était restée intacte, quoi. Absolument. Comme si vous étiez quitté la veille. Bah oui, absolument. Oui. Moi, il m'a toujours fait rire, ce qui peut paraître paradoxal, mais voilà. C'est sûr qu'il avait effectivement une très grande curiosité, donc qui vient des aspects de ses gènes de journaliste. Donc, et puis il venait d'écrire le roman La Sirène Rouge. Voilà, donc lui, à ce moment-là, effectivement, il venait d'écrire La Sirène Rouge. Et puis, donc, ce que je lui apportais à ce moment-là, c'est que moi, j'avais vraiment développé de manière assez drastique toutes mes compétences technologiques. Donc, ce début des années 90 a consisté à se voir à peu près toutes les semaines, à fumer des joints le samedi soir et je lui racontais tous mes délires et mes considérations concernant donc le développement technologique. Il faut dire que à l'époque de la fin des années 70, on était tous les deux branchés aussi sur McLuhan et il y avait aussi une revue qui s'appelait Interférence Donc c'était où on s'intéressait vraiment de près à l'impact des technologies sur l'art en général, sur la société. Donc ça c'était le point de jonction. Maurice n'a jamais été vraiment bien qu'il s'en targue, il n'a jamais été un ingénieur, il n'a jamais vraiment compris, il n'a jamais été programmeur, il n'a jamais vraiment compris la technologie. Pour lui, c'était vraiment un habillage esthétique, c'était vraiment... un objet littéraire. Voilà, un objet littéraire, une manière de pouvoir un peu vendre ses salades. C'était aussi la référence à Ballard, parce que Jim Ballard donc, disait... Être artiste à l'heure actuelle, c'est utiliser le langage de la technologie ou demeurer muet. Et cette chose-là, je pense que c'est à tous les deux, c'était notre référence principale. La technologie, ça aussi c'est une référence McLuhanienne, hein. Medium is the message. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire toute nouvelle technologie change... à la fois la manière de travailler, à la fois la manière de distribuer, à la fois la manière de comprendre, c'est-à-dire pour McLuhan, langage, médium et technologie sont des mots absolument interchangeables et égaux. Donc effectivement, ce qui se passait en France nous passionnait, c'est-à-dire qu'effectivement, on nous passionnait en négatif. On était arrivés tous les deux à la conclusion qu'il y avait un problème en France. Parce qu'effectivement, ayant fait faillite avec mon studio, je m'étais aperçu qu'il n'y avait absolument aucune possibilité de se développer en France. Bon, savoir que régulièrement, les politiques organisent des pseudo-programmes pour aider les start-up, qui sont en fait des moyens de pomper à la fois l'énergie, les idées et la technologie des jeunes, tout en leur faisant croire que la France peut aussi être la Silicon Valley, ce qui n'arrive jamais. Et donc, ce qui fait qu'au final, c'est toujours les grosses structures technocratiques contrôlées par on sait qui, les gens des loges et les gens du Parti Socialiste qui tirent les marrons du feu. Donc, effectivement, à ce moment-là, on est arrivé à la même conclusion, on veut se tirer de France. Donc là, on est dans les années 90 et c'est à ce moment-là que Dantec devient connu grâce à ses best-sellers. Et vous qui l'avez connu intimement, comment Dantec a-t-il réagi à cette notoriété nouvelle, lui qui était fragile psychologiquement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je suis devenu officieusement son conseiller technologique. Donc, en fait, compte, il faut savoir qu'à ce moment-là, il a pris le virage technologique. Toute son image de marque est basée sur son délire technologique. Et donc, c'est moi qui suis derrière et qui lui explique tout et qui l'aide à développer, en fin de compte, toute cette partie de sa carrière. J'étais là le jour où Jean-François Bizot a téléphoné chez lui suite à son prix pour Les Racines du Mal. Bizot m'a pris pour lui et il a commencé à dire « Ah, Maurice, ça va ?» comme si on s'était quitté la veille. Alors que ça faisait 10 ans qu'effectivement, il n'y avait plus de son, plus d'image du côté d'Actuel et qu'on avait été relégué dans les limbes des multiples petits groupes qui se sont auto-détruits dans cette période de la New Wave. Alors bon, c'est sûr que c'était assez jouissif. Et pour moi, il n'y avait aucun problème pour aider Maurice à tirer les marrons du feu et effectivement à se venger et pour obtenir en fin de compte enfin une certaine reconnaissance de ce qui pour moi était toujours en fin de compte un travail commun qui avait été commencé au temps d'Artefact. Alors donc cette chose-là a continué jusque... je peux citer quelques petits exemples. Par exemple, quand Le Monde, au moment des 50 ans de la série noire, a demandé à Maurice d'écrire une nouvelle pour Donc il devait paraître en plein été, donc là c'était le tapis rouge. Maurice s'est retrouvé face à une feuille blanche, il était complètement sec, il avait aucune idée, il ne savait pas quoi faire. Donc je lui ai donné le synopsis, donc c'est-à-dire le thème, les développements et la mécanique interne de la nouvelle donc qu'il a écrite, qu'il a fait paraître à ce moment-là, et donc qui s'appelait Là où tombent les anges. Donc voilà, on s'est retrouvé en fin de compte dans la même situation qu'au début d'Artefact, de notre collaboration commune. Et est-ce que l'aspect politique qui va éclater plus tard, c'est-à-dire son néoconservatisme, est déjà présent, ou est-ce que c'est encore une fois une posture comme vous l'expliquiez ? C'est toujours très très difficile. Je me suis souvent posé la question quelle était la part d'opportunisme chez Maurice, la part de diva, la part de naïveté, parce qu'en fin de compte, on peut se poser la question sur ses positions sionistes. Il est à la fois conspirationniste et à la fois il n'a jamais imaginé ou en tout cas dit que les tours du 11 septembre ont pu être détruites par l'État profond ou par le Mossad. Donc on peut se demander pourquoi. Est-ce que c'est par naïveté ou est-ce que c'est par intérêt ? Est-ce que cette islamisation qu'il a dénoncée, c'est-à-dire ce passage des banlieues rouges aux banlieues beurre, a réellement motivé son départ ou c'est quelque chose d'annexe ? Alors, là, il y a des raisons extrêmement personnelles sur les positions de Maurice concernant l'islam. Et c'est extrêmement malheureux parce qu'effectivement... Maurice s'est embringué dans un certain nombre de mensonges et un certain nombre de postures tout à fait contradictoires et donc illogiques que Alain Soral a bien pointé. Je sais exactement, il y a de grandes chances pour que les raisons de son rejet de l'islam n'aient rien à voir avec des analyses politiques, mais plutôt à voir avec des règlements de compte personnels. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que ces déclarations tonitruantes à la télévision ne sont pas en fait des plans de communication ? Oui, alors bon, ah tiens, oui, ça c'est une très bonne... Okay. Alors, en 94... Il m'invite à venir avec lui en vacances en Thaïlande. Et là, on profite en fait de ce moment de détente. Alors bon, qu'il a passé à fumer ses joints dans les cases pendant que j'allais bourlinguer sur une bécane dans la jungle. À un moment donné, on se retrouve dans les îles là, et à ce moment-là, c'était la pleine période ou le début en tout cas des full moon parties et des raves. Donc, on se retrouve dans ces soirées techno. Donc là, ça nous parlait parce qu'effectivement, quelle est notre mission, nous, en tant que boomers. Bon, on dit boomers au Québec, mais ici donc 68. Parce qu'effectivement, t'en es en 59 tous les deux. On est la fin vraiment de cette génération de mai 68. Donc notre travail, c'est celui de faire le lien entre la culture, la contre-culture et la culture des années 70, donc de la génération 68, et de la technologie, puisque cette technologie, avec les synthétiseurs au départ, puis avec les ordinateurs pour ma part, c'est la culture, c'est le cœur même de la culture, on va dire, de la génération X. Donc notre travail, c'était de faire... de passer le flambeau, de faire le lien entre les deux. Et donc, J'ai commencé à expliquer à Maurice parce qu'il avait aussi assez peu de connaissances en termes de marketing, etc. Moi, j'avais fait par la suite des études en économie. J'avais travaillé en entreprise, ce que Maurice a quasiment jamais fait. Et donc, j'ai commencé à lui dire, bon, ben voilà, tu regardes, tu vois ces jeunes là qui se gobent des extasies et tu peux arriver, c'est ton futur public. Et donc là, j'ai commencé à l'aider à structurer, à reconstruire ce personnage que j'appelle moi G. C'est-à-dire puisqu'il s'est appelé Maurice G. Dantec. Et donc, G pour Georges. Voilà, oui, mais ce G, c'était aussi une référence à James G. Ballard. Donc, c'était pour lui une manière dans sa vision des choses, il s'est toujours, surtout sur la fin, prétendu écrivain. Américain de langue française ou en fait anglo-saxon. Donc cette part américaine anglo-saxon qui est complètement construite, qui est complètement bidon. Il a commencé à la construire et je l'ai aidé à construire cette espèce de personnage de provocateur schizophrénique et techno-schizophrénique, on va dire. Et donc ce qu'il a fait tranquillement. Mais on en était arrivé à la conclusion que rester en France, c'était pas le meilleur plan marketing justement. Pour ma part, parce que j'étais chef de projet multimédia et que je travaillais déjà dans le domaine du jeu vidéo. Et donc, effectivement, j'avais plus de futur à Montréal, qui effectivement est devenu par la suite un centre de conception de jeux vidéo de niveau mondial. Et donc, pour lui aussi, les choses commencent à être assez chaudes sur sa banlieue, puisqu'avec sa femme, ils avaient un appartement en face du lycée. Donc, ils avaient quelques problèmes avec nos amis immigrants nord-africains. Et donc, il commençait à vouloir effectivement dégager. Donc, ça lui permettait de suivre son rêve américain. Et moi, ça me permettait de continuer ma carrière. Donc, vous arrivez au Québec en 1997 ? La première fois qu'on a mis les pieds à Montréal, c'est en 1994. Donc, il était invité par le Salon du Livre de Québec. Et donc, j'ai suivi dans ses valises juste après le voyage en Thaïlande. Donc, j'ai pu constater qu'il y avait un état d'esprit très ouvert par rapport à Maurice. Et qu'effectivement, Montréal était une ville tout à fait agréable, beaucoup plus relaxe que la France, et donc en prise directe, évidemment, plus avec les développements technologiques, parce qu'à l'époque, donc moi je faisais de la 3D, et la 3D, c'était donc un centre de développement de logiciels 3D pratiquement le plus important au monde. Donc, tout à fait intéressant. Donc on a visité pour une première fois en 94, puis on est revenu à l'été 95 et je pense que à l'été 96, moi j'ai commencé à m'installer, à louer un loft, et à organiser des fêtes dans ce loft à Montréal, donc qui consistait effectivement à développer un réseau de contacts. Mais ce qui a été assez drôle, c'est qu'en fin de compte, Maurice s'est tout de suite branché quand il est arrivé là-bas. Donc, premièrement, au contraire de moi-même, il n'a jamais été obligé de travailler au Canada ou au Québec. Donc il est arrivé, il était déjà célèbre, donc les portes lui étaient toutes ouvertes et donc de toute façon il n'avait pas besoin de personne. Hein, ils ont tout de suite acheté donc un loft en plein centre de Montréal, en face de la croix du Mont-Royal. Et en fait, Maurice s'est branché avec les néoconservateurs québécois, dont Richard Martineau, qui est un peu l'équivalent de Jean-François Bizot, mais un Jean-François Bizot à l'américaine, c'est-à-dire très très rapidement et très très violemment, on va dire, beaucoup plus violemment, a affirmé ses positions anti-islamiques, donc xénophobes, et on dirait beauf, hein, c'est-à-dire que c'était le rédacteur en chef d'une revue qui était au départ underground, qui était au départ alternative, et qui très rapidement s'est mis à écrire des billets de soutien en fin de compte à tout le système et notamment de soutien à M. Harper, le premier ministre conservateur, néoconservateur canadien, qui est resté pendant des années, et qui, donc Maurice a tout de suite écrit des billets, des éditoriaux. Il a travaillé un petit peu il a fait quelques articles comme journaliste, donc très rapidement, il a montré ce côté-là, donc qu'on a bien connu par la suite, celui du néo-réac, ou du, je ne sais plus comment Monsieur Lindenberg l'avait appelé. Donc il va s'engager à plein dans cette voie qu'on peut qualifier clairement de néo-conservateur, encore que j'aimerais y revenir parce qu'il y a quand même quelques nuances. Ce n'est pas un néo-conservateur tout à fait classique, ce n'est pas Bernard Kouchner. Oui. C'est un discours qui est complètement... qui est différent et qui, à la limite, lui est propre. Oui. Et est-ce que, dans cette évolution, vous revoyez le saccage de ces trucs que vous évoquiez tout à l'heure, à l'époque où vous étiez autonome ? Est-ce que vous voyez une continuité dans la démarche de Dantec, malgré cette rupture apparente du gauchisme au néoconservatisme ? C'est-à-dire qu'en fin de compte... C'est seulement maintenant et depuis les liens que m'ont aidé à faire Alain Soral que je peux comprendre qu'il y a une continuité. C'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que c'est que le néoconservatisme. Comment des gens qui ont été gauchistes, révolutionnaires, entre guillemets, peuvent devenir aussi impudemment, aussi... honteusement libéraux. Alors donc, j'avais à l'époque pas encore compris cette association, en fait, cette complicité plutôt, on va dire, la complicité que vraisemblablement Bizot avait donc pour détruire la culture française via le cheval de Troie de la culture underground américaine. Et donc, en fait, on s'aperçoit avec le temps et avec la distance, qu'est-ce que ça voulait dire qu'être un idiot utile. Comment effectivement les gauchistes et les gauchistes actuels effectivement se font avoir en pensant aider à la conscience, aider le peuple, et en fin de compte, travaille exactement au contraire. Et donc, cette chose-là était apparente chez Dantec, toujours avec des problèmes de comment arriver à assumer cette chose. Un des éléments peut-être fondateurs, on va dire, c'est celui-là, à mon avis. Son père, qui était, je pense, un communiste pur, enfin, je vais dire... Sincère, exactement. Non, c'était pas un stalinien. C'était effectivement, par exemple, on répétait chez son père à Nogent-sur-Marne. Et son père vivait avec une africaine, parce que c'est ça, il travaillait pour Jeune Afrique. Donc découvert les joies du mafé et de la cuisine africaine grâce à son père. Mais je pense qu'effectivement, Maurice était, et son père ont été les cocus de la période mitterrandienne. C'est-à-dire qu'effectivement, toute la clique des socialos du début des années 80 qui se sont sucrés, entre autres avec le scandale du Crédit Lyonnais et tous les milliards qui ont été détournés, le père de Maurice n'en a jamais vu la couleur. Donc je pense qu'effectivement, Maurice a dû se dire « je ne vais pas me retrouver cocu de mes élans révolutionnaires, je vais mettre mon mouchoir là-dessus et je vais utiliser justement le révolutionnarisme, en fait, ces positions pseudo-révolutionnaires pour mon propre intérêt. » Et Dieu dans tout ça ? Dieu ? Alors, bon, moi je ne vais pas revenir sur toutes les déclarations de Maurice par rapport à sa conversion, voilà, au catholicisme. Il faut effectivement rappeler que... Il se prétendait catholique futuriste, oui, chrétien sioniste. Oui. Alors il faut voir aussi d'où ça vient. En 77... Philip K. Dick est venu donc en France et on devait jouer cette fameuse convention de science-fiction à Metz. Et à cette époque, donc, Dick avait déjà une cinquantaine d'années. Il a annoncé qu'il s'était converti au catholicisme et que c'était la seule possibilité de survie du genre humain, et pour lui, sa seule possibilité de survie, certainement au niveau intellectuel. Ce qui, pour nous, punk, effectivement, nous a absolument choqués et puis ahuris. On s'est dit, comment un mec comme Dick? Alors donc, on avait toute cette idée de... du déjanté. Hein, quand on avait 20 ans et on pensait qu'effectivement, et c'était ça que le discours d'actuel, toujours actuel, présentait comme positif, le fait d'être un déjanté. Alors dans tous les articles d'actuel, c'était toujours ce poète-là, bon, Bukowski, le déjanté, le crado, le machin, qui se prend des acides, etc. Donc c'était ça l'idée. L'idée, c'est être fou, c'est bon. Alors donc Maurice avait déjà aussi tout ce concept-là d'utiliser une folie ou une pseudo-folie comme un argument marketing. Et dans son maintien, en quelque sorte, d'une certaine punkitude, quand il va, par exemple, faire cette lettre fameuse en janvier 2004, il me semble, au Bloc Identitaire, il rallie vraiment publiquement le camp néo-conservateur, mais au nom de l'Occident chrétien, pas au nom des droits de l'homme. Donc il y a quand même une forme de... Et c'est là qu'il garde son côté punk. C'est là qu'il est, en quelque part, sorte un néoconservateur honnête et intéressant. Tout à fait. Alors moi effectivement, étant donné que je me suis aussi converti au catholicisme, je ne peux pas le critiquer là-dessus. La seule critique que je peux faire, et le seul doute que j'ai, c'est que je ne suis pas certain que son catholicisme ait été si sincère que ça. Je pense plutôt que Maurice était proche des évangélistes qu'autre chose, c'est-à-dire que son approche de la chrétienté est une approche, d'abord, la seule chose qui l'intéresse, c'est le glaive, c'est pas l'amour, c'est pas le partage, c'est pas la compassion. Maurice n'a jamais eu ni d'amour, ni de partage, ni de compassion pour personne, étant donné qu'il ne m'a même jamais crédité de quoi que ce soit. Et donc là, je vais faire un petit flashback, c'est-à-dire que moi, au début des années de Montréal, il m'a poussé à commencer à écrire ce que j'ai fait, alors que j'ai jamais réellement, moi, de mon côté, j'ai jamais voulu être écrivain. Enfin, en tout cas, jamais faire une carrière et terminer comme écrivain, alors que Maurice a toujours voulu être écrivain et n'a jamais su faire autre chose qu'écrivain. Parce que ses problèmes psychologiques faisaient que, bon, il a autodétruit les groupes. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas capable de donner une direction. Il n'est pas capable de faire les compromis et n'est pas capable de comprendre un certain nombre de choses qui ont trait qui font les responsabilités et le travail d'un chef d'entreprise, d'un cinéaste. Quelle est la différence entre un musicien, un écrivain et un cinéaste. Un écrivain, il ne gère que son texte. Sa production, elle est textuelle et il n'a besoin de personne pour ça. Donc il n'a pas de compromis à faire avec personne. Ce qui a abouti effectivement à la catastrophe, puisqu'il s'est fâché avec tout le monde dans les groupes, puis par la suite, il a reproduit encore cette autodestruction avec les maisons d'édition, puisque de toute façon, il s'est engueulé avec Gallimard, avec Gamine Limard, puis par la suite Albin Michel, puis par la suite avec Ring, puis il n'a pas eu le temps de s'engueuler avec les incultes, parce que là, il est arrivé au bout du rouleau, mais je suppose que ça aurait donné à peu près la même chose. Je vais vous lire une citation, notamment de son soutien à George Bush en 2004, et qui est assez intéressante justement pour mettre en perspective par rapport à toute votre jeunesse et cette démarche. Donc il dit « Ce qui fait peur aux laïcards jacobins dans l'Amérique, c'est précisément ce républicanisme prétorien s'appuyant sur le local control, c'est la dimension religieuse, prophétique des États-Unis, la seule nation moderne à avoir réussi sa révolution, parce qu'en fait, si on sait lire les authentiques fondations anglo-catholiques et Tory de celle-ci, elle apparaît plutôt comme une contre-révolution. En fait, la révolution américaine, c'est une restauration monarchique sans monarque, ou plutôt une monarchie constitutionnelle dont le monarque est la constitution. » Donc là, on a vraiment du Maurice. Bah là, on a du chaos total où il dit une chose et son contraire. Donc pour moi, les choses sont beaucoup plus simples. C'est-à-dire que je pense que les États-Unis, après y avoir passé 20 ans, enfin en Amérique du Nord, et y avoir vraiment travaillé, alors je parlerai peut-être un petit peu de comment s'est terminée mon aventure américaine, à sa différence, et pourquoi je pense qu'il a toujours vécu dans une illusion totale de se croire d'ailleurs écrivain nord-américain de langue française, et de croire qu'effectivement il était adapté, qu'il a pu représenter en fin de compte le futur de la littérature française en Amérique du Nord. C'est ça son erreur et je pense son échec le plus grand. Finalement, l'histoire de Dantec, c'est l'histoire d'un homme qui s'autodétruit. Oui, absolument. Donc il a toujours... Bah, ces deux périodes ont suivi les mêmes courbes. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, de 92 à 99, 98, tout fonctionnait à peu près... Il était vivable. Il arrivait effectivement à fonctionner. Il arrivait à s'entendre et avec lui-même et avec plus ou moins les autres. Mais petit à petit, il a développé donc ce que j'appelle une mégaloïa, donc à la fois paranoïaque et mégalomane. Donc, il s'est constitué une petite cour de gens parce que donc son mode de fonctionnement, que j'appelle un mode d'aspiration et pas un mode d'inspiration. Donc, aspiration au sens d'aspirateur, hein, la machine. Et donc, c'est toujours ses références. Il disait « Je suis une machine ». Donc je vais faire le lien avec ce qui s'est passé pour moi. Je suis devenu écrivain, il m'a poussé à devenir écrivain. En 98, j'ai fait paraître, grâce à monsieur Jean-Bernard Pouy aussi, donc dans la collection de science-fiction du Poulpe, donc qui s'appelait Macno, mon premier roman. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est très simple, Jean-Bernard Pouy... a envoyé un petit mot à Maurice en lui disant « Oh oh, fais gaffe à ton cul, maintenant t'as de la concurrence. » Et la concurrence venait de son meilleur ami ou de son meilleur ennemi. Donc là, il est parti tout de suite sur le mode « Riton, c'est l'homme à abattre ». Ce qu'il a fait, donc il a commencé à me tirer dans les pattes, il a commencé à fermer les portes, etc., à devenir de plus en plus odieux, alors que je voyais effectivement son mode de fonctionnement devenir de plus en plus schizophrénique. Bon, petit détail, sa façon de travailler était toujours la même, c'était celle de fumer 15 joints, dans la nuit, commencer à travailler à 11h du soir et terminer à 5h du matin en ayant bu 3 ou 4 litres de Coca-Cola. Donc, avec une constitution physique et psychique faible, un mode de vie extrêmement malsain, et pour la tête et pour le corps, ce qui fait qu'effectivement, il est rentré dans une spirale, dans une dynamique de déchéance qui va très vite. D'autodestruction. Voilà, d'autodestruction. Il faut savoir aussi que l'Amérique du Nord est absolument, comment dire, implacable à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est une vie comme elle est basée sur le matérialisme. Elle est basée sur la réification, c'est-à-dire la séparation. Des gens à l'intérieur des familles, la séparation, donc la destruction des modes de vie sains pour transformer tout le monde en consommateur passif. Donc ce style de vie est extrêmement anxiogène et déprimogène. C'est-à-dire qu'effectivement, le résultat, c'est que on a envie de fumer encore plus, ou les situationnistes disaient marchandise drogue, c'est-à-dire que pour les situationnistes le spectacle c'est la réification, c'est-à-dire la séparation de l'homme avec lui-même et de l'homme des hommes entre eux. Donc le produit absolu dans le mode de la marchandise, là je pense que M. Cousin serait tout à fait d'accord avec moi, c'est la drogue, c'est l'héroïne, c'est toute forme de drogue, et il est pas étonnant de voir j'ai appris dernièrement qu'on commençait à calculer le trafic de drogue comme un poste dans le bilan économique des pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'économie noire, entre guillemets, à la fois celle financière, donc ce que j'appelle le schizocapitalisme financier, et ses aspects de marchandises les plus pointus, c'est-à-dire la drogue. Il faut savoir que, par exemple, évidemment, toutes les îles Caraïbes ne vivent que sur le trafic de cocaïne. On sait tout ça. Donc, effectivement, au final, tout ça fait que l'autodestruction est très très rapide. Si on ne met pas en place un mode de vie sain, c'est l'autodestruction. Voilà. Et donc, Riton, en 98, survient la rupture définitive. Plutôt vers 99. Donc, effectivement, son état empirant, le millénarisme aussi, parce que là, on est en plein dedans. Il y avait une espèce de... Je pense qu'effectivement, sur plein d'aspects, le virage à 180 degrés, donc des ex-trotskistes, qui se révèlent donc être des néoconservateurs, puisqu'ils vont mettre en place les attentats du 11 septembre. Et donc là aussi, on peut se poser la question de savoir pourquoi Maurice n'a jamais évoqué, pourtant en étant conspirationniste, n'a jamais évoqué la possibilité que le 11 septembre ait été perpétré par le Mossad ou par l'État profond américain. Mais sinon, c'est ça. Donc, moi, j'ai l'impression que Maurice, c'est avant tout un agent du chaos. C'est-à-dire que son chaos intérieur est toujours projeté, au sens de la psychologie jungienne, sur l'extérieur. Donc, il décrit une réalité qui est en fait sa réalité intérieure. Il prophétise donc l'apocalypse, parce que c'est son apocalypse intérieur, et qu'effectivement, ces démons et ces contradictions, il n'arrive pas à les assumer et à les surmonter. Son darwinisme social, deux mots là-dessus, il en est arrivé à un point où toute discussion s'arrête. Pourquoi ? Parce que quand je lui donne un argument, sa réponse est de dire « J'ai raison parce que je vends 60 000 exemplaires ». Voilà, c'est à peu près de ce niveau-là, ce que j'appelle moi le darwinisme social, c'est-à-dire effectivement je suis le plus fort, je t'emmerde, j'ai même pas besoin d'argumenter. On voit cette position effectivement chez tous les gens qui attaquent Soral, c'est-à-dire ils ne se placent jamais sur les arguments, mais toujours sur l'insulte ou sur la force brute, bien qu'ils l'anathème. Voilà, sur l'anathème, bien qu'ils s'en défendent absolument et qu'ils se disent être les gens du bien et du bon. Effectivement, ils se comportent tout à fait de la même manière que Maurice à ce niveau-là. Donc c'est ça, des relations qui étaient basées sur la peur et la jalousie, étant donné que effectivement il n'avait jamais assumé non plus le fait de ne pas avoir été le créateur du groupe, de ne pas avoir été le séducteur que bon, moi j'avais pas de problème ni sexuel ni ces contradictions arrivent à leur paroxysme et vous vous séparez. La rupture finale c'est passé ainsi en fait en 98 ou 99 il m'a proposé d'écrire un essai à trois mains avec un ami donc qui est prof d'université, sociologue des technologies à l'université de Montréal. Il nous propose donc d'écrire un essai à trois mains qui, en fait, s'est transformé en théâtre des opérations. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on lui a remis nos notes pour faire quelque chose. Il est parti à Paris chez Gallimard avec nos notes et il a fait paraître le bouquin « Son nom ». Voilà, donc dans la même lignée de ce qu'il avait fait sur Artefact, déposer l'ensemble des créations du groupe à son nom, il a fait la même chose. Donc pour moi, ça a effectivement été la goutte qui a fait déborder le vase. Je commençais à en avoir un petit peu assez de le voir sortir des théories, de choses que je lui avais dites la veille. Parce que donc sa façon de travailler, c'était pas seulement avec moi. Donc deux mots sur cette cour donc qu'il entretenait. Lui, si tu veux, il utilisait un certain nombre de gens intelligents qui effectivement avaient de l'admiration pour lui. Donc il utilisait cette admiration pour discuter avec ces gens, faire l'avocat du diable, donc extirper comme un vampire des idées, des concepts, des gimmicks qu'on va dire pour alimenter sa source littéraire, ce qui a fait de lui ce qu'on s'est aperçu, c'est-à-dire une espèce de girouette conceptuelle sans aucune colonne vertébrale qui sort des concepts de son chapeau sans vraiment les intégrer, sans vraiment sans réellement les comprendre. Oui, sans réellement effectivement les comprendre. Sens premier du terme. C'est ça, effectivement. Donc, dans le théâtre des opérations, j'ai revu un certain nombre de concepts qu'il m'a volés, donc et qu'il a mis à sa sauce sans les comprendre, parce que à ce moment-là, effectivement, pour lui, la technologie n'était plus très très intéressante. Il en était arrivé à la métaphysique. Et donc, il planait dans les hautes sphères en mélangeant tout un tas de références absolument indigestes et donc pas digérées ni par lui ni par son public. Alors, il faut savoir que moi, j'ai personnellement, à part quelques nouvelles justement où je pense qu'il aurait vraiment dû continuer la nouvelle parce que quand il restait très succinct, il pouvait avoir effectivement un impact assez grand, mais tous ces espèces de romans pseudo-elroyens avec 800 pages, je veux dire, qui n'apportent rien, c'était toujours sa poursuite de son rêve américain. Il faut faire comme les Américains. Alors les Américains font des pavés à 800 pages. Alors je vais montrer que je suis le Johnny Hallyday de la littérature cyberpunk et que je peux faire comme Elroy ou comme je ne sais plus quels autres... Alors qu'il avait un réel sens de la formule qui fait mouche. Oui, ce qui fait partie effectivement plus de la, du génie, on va dire, français, mais étant donné que de toute façon, il se, ne se considérait plus comme français, qu'il se considérait comme un écrivain américain, quand on le connaissait, alors qu'il n'a jamais vraiment vécu dans le pays réel, il a toujours vécu dans sa tour d'ivoire. Et voilà, c'est terminé sur une prison intérieure de laquelle il n'est jamais sorti. En conclusion, je voudrais citer deux petites phrases de Maurice Dantec. Donc la première issue de son ouvrage, donc vous avez évoqué Le Théâtre des Opérations, paru en 2000 chez Gallimard. La seule minorité à qui on interdit le droit moral de se défendre, l'hétérosexuel blanc, riche, cultivé. Bah là, on retrouve certaines fulgurances qui le rapprochent de Soral. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il n'est pas totalement un agent du chaos atlanto-sioniste, mais qu'effectivement, il avait certaines choses qu'il avait bien vues. Une deuxième citation, cette fois issue du laboratoire de catastrophe générale édité chez Gallimard en 2001. Les morts sont terriblement vivants et ils nous manquent. Les vivants paraissent définitivement morts et ils nous accablent. Chers auditeurs, c'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission. En hommage à Maurice Dantec, nous présentons bien sûr toutes nos condoléances à la famille de l'écrivain. Riton, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé votre expérience, votre tranche de vie avec Dantec. Mon meilleur ennemi. Amen. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur le Venezuela. Un sujet qui te tient à cœur, j'ai l'impression. Il me semble. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez réagir en commentaire sur le site d'Égalité et Réconciliation. Quant à nous, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes du groupe État d'urgence. Nous allons écouter Sans Contrôle. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Martin.